طيب on s'est arrêté où ça va bien عندك وهبي هذا الرجل مال كثير très bien vas-y fais au féminin ذاتي très bien très bien ذات مال كثير طيب au suivant tu fais le pluriel masculin Le même exemple qu'il a lu Wahbi, mais on le va faire. Dahou. Ouais. Là, pas malin. Malin. C'est Rijalou. Rijalou, naam. Il a dit quoi le frère Rijalou. Peut-être lui, il a dit sans l'iphonème. Taïb, s'il a bien mis l'iphonème, Haoula Rijalou. Mais le plus souvent, Haoula Rijalou. Taïb. Un deck au suivant. هؤلاء النساء ذوات مال كثير نعم السلام ورحمه الله وبركاته كما جوزيدي ان شاء الله هذا الدرس الاسماء الخمسه سندرسها في المستقبل باذن الله سي اون انا فيو انا بارلي دو سا دون ان بو ابوكا سي لو ميم ترافاي كو ابوكا اخوكا مفهوم طيب أدخل لعل على الجمل الآتية علما بأن لعل من أخوات إن أدخل معنا يتدي كوا أدخل لعل c'est-à-dire faire entrer لعل على الجمل الآتية dans les phrases suivantes علما en sachant بأن لعل من أخوات إن c'est-à-dire quoi ça c'est-à-dire que لعل fait partie de la famille de إن quand tu verras ça c'est-à-dire quoi c'est qu'il a le même travail et ça ne veut pas dire forcément il a le même sens mais bon c'est-à-dire celui qui a compris إن il comprend لعل au niveau de quoi من ناحية العمل، au niveau du travail. إن تنصب ماذا؟ المبتدأ وترفع الخبر. اسم إن وخبر إن. لعل ce sera la même chose. Moi ce que je vous donne comme conseil, apprenez un exemple. إن زيدان مريض. Et travaille avec. لعل زيدان مريض. مفهوم هذا؟ Apprends cet exemple-là et après tout ce qu'on chaque fois qu'on verra إن وخواتها, qu'est-ce que tu feras? تابليك سا إن زيدان مريض لعل زيدان مريض كأن زيدان مريض مفهوم هذا هكذا سأجير لعل يفعل المهم تخباي كإن يدخل على الأسماء ظاهرة وعلى الضماهر également c'est compris ça لعله لعلك on va le voir également مفهوم maintenant qu'est-ce que ça veut dire لعل il est possible que dans l'espoir que مفهوم vous avez compris ça veut pas dire toujours j'espère là ça on le verra لعل الله يرحمنا مفهوم ونسوات كوا كالله ينوب خان سوسا ميزي ريكورد مفهوم أين زيد لعله مريض ça c'est quoi de l'ishfaq et ça en détail on le verra inshallah en plein dans le livre mais sinon لعل il a le même travail que إن et la traduction de لعل c'est il a ce sens là مفهوم il se peut il est possible مفهوم هذا et également tu peux l'utiliser avec on a dit quoi اسم ظاهر لعل زيدان مريض ou un ضمير Mais la seule différence entre la'alla, au niveau de quoi Al-mutakallim. Tu dis quoi La'alli. Vous vous souvenez, hier on a dit quoi Innani ou inni. Mais dans la'alla, le plus, c'est de dire la'alli. Hada wal akhtar wal afsah. C'est plus éloquent. La'allani hada qalil. Mais faut m'ada Al-afsah, non, mana afsah. C'est-à-dire plus éloquent. Mais faut que tu dis quoi La'alli. Hada. Amma innani ou inni. هذا كثير إن شاء الله. كل مودا كمبري لا؟ تكمبري يا عبد الله؟ سامي؟ بلال؟ عبد المجيد كل مودا كمبري إن شاء الله؟ وهبي؟ طيب. نعم تفضل. اسكيل أو سينو سانس تواقيع. كم الخوف؟ تفا بنيخ. سأجي إن شاء الله. ما أش بريفير سا سي. en plein dans le livre. je vais aller tout doucement. طيب. parce que j'ai peur si je vous donne tout ce qui concerne la'alla. c'est pas évident. طيب. Là, déjà, si vous savez l'utiliser, alhamdoulilah. Et après, il y aura un tableau spécialement de Inna et tout ce qu'il y a dans la famille de Inna. La'alla, ka'anna. Tu vois? Et la'alla, il y a tafasil. Quand tu dis, par exemple, la'allallah yarhamuna ou la'allahu marid, il y a des exemples, ils sont différents au niveau de quoi? Du sens et non pas du amal. Et ça, on le verra, inshallah. Taïb? Taïb, bismillah, idan. Là, il vous a donné des exemples. Il a donné un exemple également, Ism al-Dahir. On s'est arrêté où là Abdelmajid, vas-y, tfaddal. نعم لعله بخير. طيب بعجلة مش تدي كيف حال زيد؟ تمدي لعله بخير. مفهوم هذا؟ هذا. مسيو نغمي عن اسم ظاهر تغدي كوا؟ Vous avez compris c'est quoi ism dhahir et damir? Ism dhahir c'est quoi? C'est un nom apparent. Bait, Omar, Mohamed, Masjid. Et damir c'est les pronoms. La'alla zaydan bikhir. Et dans l'arabe on aurait dit quoi? La'alla zaydan marid. La même chose qu'inna. La'alla tu aurais dit quoi? Zayd ism la'alla et marid khabar la'alla. Mafhoum hada? Tayeb bismillah toi. Hum bikhairin la'alla hum bikhairin. Na'am la'alla hum bikhair. هي بخير لعلها بخير. très bien لعلها بخير. هن بخير لعلهن بخير. لعلهن بخير. وسيبه. أنت بخير تجرا. لعلك بخير. لعلك بخير نعم. أنتم بخير لعلكم بخير. لعلكم بخير. tu peux nous traduire لعلكم بخير يا عثمان؟ pour tout le monde voit à peu près le sens. Et non. Comme ça, tout le monde voit à peu près le sens de cet exercice-là. J'espère que vous vous portez bien ou vous allez bien. T'as vu, Inch'Allah ? T'as vu au suivant ? À toi, Atman, vas-y. C'est quoi le mot ? Toi, c'est Allah Ibarik Fik. Anti, le 7, ça va. Anti, Bikhayri. La Bikhayri. T'as vu, La'allaki Bikhayri. Très bien. Au suivant. Non, la al kunna bi khairin. On suit va. Ana najihun, la al li najih. La al li najih. Non, barakallahu fik. Najihun, c'est réussir. Réussir, taïb. La traduction elle-même, c'est ici, c'est un ism. Allah ybarik fik, c'est quoi? Ism fa'al. Je regarde dans le dictionnaire, ça peut en français, ça donne pas un bon truc, tu vois. Mais si tu dis par exemple Tilmidun Najihun, ce sera un élève qui a réussi l'examen à Kada. Mais faut. Mais le mot en lui-même Najihun, en tout cas, c'est du verbe Najaha, c'est réussir. Taïb. Nahnu Najihun. La'allana Najihun. Non, Najihun. Najihun. Si tu veux le verbe en lui-même, c'est Najaha, hein, réussir. Ah oh. طيب suivant لعل الاختبار سهل نعم الاختبار c'est dire quoi l'examen نعم لعل الاختبار سهل نعم suivant المدير في غرفته لعل المدير في غرفته très bien inshallah tout le monde a compris بإذن الله طيب اقرا المثالين ثم اكمل الجمل الاتيه بوضع غال او غاليه في الاماكن الخاليه طيب تدمون دو كوا ثم اكمل الجمل الاتيه بوضع زي دمون دو كوا اكمل كومبليت لي فراس سوينت ان ميتون كوا غال او غاليه في الاماكن الخاليه دون لي بلاس فيد طيب غاليه tu l'utilises quoi pour le féminin et galine pour le masculin طيب هذا القلم غال اصله غالي غالي طيب عندك يا محمد الكتب العربيه غاليه واجي ماجي وليد يعني عفوا هذه الساعه غاليه طيب اتوا غزي لي الكتب العربيه غاليه في بلادنا في بلادنا نعم احسنت هذا الكتاب رخيص وذاك الكتاب غالي نعم وذاك غالي يا بعد ما الله يبارك فيك هذا المعجم بمئة ريال هو غالي هو غالي هذه الحقيبة غالية نعم طيب le tamar bota vous savez ça on l'utilise pour quoi pour les noms féminins طيب إن شاء الله بارك الله فيكم Je vous donne une faïda par rapport à ça pour que vous compreniez. Chaque fois que tu verras un mot qui finit ta marbota, il sera toujours précédé d'une fatha.